Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبدأ المراجعة هذه المقدمة النافعة مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دونك غيفيز سقواعد ذكر رحمه الله القاعدة الأولى فما هي؟ في نصوص الكتاب والسنة الواجب أن تبقى دلالتها على الظاهر. ما معنى هذه القاعدة؟ أن هذه النصوص نزلت نعم بلغة العرب فماذا؟ نعم هذه النصوص بلغة العرب ces textes في الأسماء والصفات من الكتاب ومن السنة ils sont en langue arabe فنفهمها بلغة العرب تبقى على ظاهرها. من عنده مثال؟ أحسنت. بل يداه مبسوطتان. أين الشاهد هنا؟ أحسنت. الله أخبر بصفة اليدين أن له يدان عز وجل. لكن نحن نفقد الكيفية. القاعدة الآن نعم فأنت تعقيد برابور à cette صفة savait quoi اليدين غاجوت مشوت حقيقتين. Pourquoi on rajoute حقيقتين؟ أحسنت. بعض الضلال سلك لا غيغ لا لامبورتون أن بعض الضلال قالوا يا دي زينوفاتور في هذا الباب ils ont dit quoi أحسنت. Ils ont interprété cette main أو ces deux mains. Voilà, Qaïda nous dit là, on laisse ces attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontré dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sunnah, t'as pas à la Allah il a dit des mains, c'est des mains. Lakin ha'oula, al-dullal, ils ont interprété. La haqiqa, ils ont déformé, al-tahrif. Limada? Ahsant annahum mathalu. عندهم سنص هذه الآية بل يداه مبسوطتان أو غيرها من آيات الصفات سي تطلق القاعدة كشما يتعلم الله ستة إبقاء دلالتها على الظاهر فعندهم هذا يستلزم التمثيل أو التشبيه هذا سنحرف لأن عندهم سأمبلك سي تدي الله إلى دفغما عند هؤلاء سأمبلك que les mains vont ressembler aux créatures. Les mains des créatures. Ah, ça, c'est voilà, ils n'ont aucun dalil à la hada. Mais on dit, c'est des vraies mains. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Là. Mais dalil, qu'elles ne ressemblent pas aux mains des créatures? Ahsan, قال الله عز وجل, ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. إذا تأملت الآية, cette آية, c'est la base. C'est une règle liée à l'Sunnah. Laïsa kamitlihi shay wa huwa sami'u al-basir. Fallah subhanahu wa ta'ala nafa wa tanazzaha an al-mithl. Laïsa kamitlihi shay. Y'a rien qui lui ressemble. Qaïda, hadi, inda l'Sunnah. Y'a rien qui ressemble à Allah. Tous ses attributs, les attributs de makhlouq, ils sont différents des attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kamal. Wa lillahi al-mathalu al-a'la. Tumma ala fin du verset, قال عز وجل وهو السميع البصير. وإذا تأملت, tu remarqueras que la plupart des créatures, ils ont la vue et l'ouïe. Les êtres humains, les animaux, كثير من المخلوقات, ils ont la vue et ils ont l'ouïe comme attribut. لكن الله سبحانه وتعالى, il s'est attribué عز وجل ces deux صفات. Et ces deux sifat, elles ne ressemblent pas aux sifat des makhlouqin. Laïsa kamidlihi shay. C'est un rad ala al-mumathil al-mushabbiha. Wa huwa sami'u al-basir. Ithbat, c'est un rad ala al-mu'attila. C'est ça la règle qu'on vous avait citée dans le dernier dars. Tanzihun ou ithbatun bila tamtil. Wa tanzihun bila ta'ati. Hadi, elle est basée sur cette ayah. Inch'Allah, on va y revenir à ces mohim. Fa la première. قاعده سهل الي مهمه جدا ان نصوص الصفات والاسماء تبقى على ظاهرها انت tu la comprends يعني على ظاهرها et tu connais le sens est-ce qu'elle ressemble aux صفات المخلوقين ابدا هذا ثاني اعتقاد كفري celui qui a la conviction والعياذ بالله ان الله سبحانه وتعالى ses attributs ressemblent aux attributs des créatures هذا ثاني اعتقاد كفري هذا ضلال كذلك نبتعد من أمر الثاني وهو نعم التكييف الكيفية فسكوا عقيدة أهل السنة برابور الكيفية لا دليل على كيفية الصفة أحسنت زد فدوت شوز علي الكيفية لكمو سكوا لا position de أهل السنة برابور الكيفية لكمو des attributs تفضل On n'a pas à se poser la question. Là-bas, c'est Hassan. Annahu la dalil ala al-kayfiyya. On n'a pas de dalil ala al-kayfiyya. Allahu a'lam bi kayfiyya sifati. Lakin la shak anna hadhi sifa lam kayfiyya. Wa al-su'al an hadha sin bid'a. Ta'lamun qissat liman malik ma'a dhalika ar-rajul kayfa istawa? Qala al-istiwa ma'lum. Qala wa al-su'al anhu bid'a. La personne il demande à Al-Kayfiyya. Lianna, tu demandes une chose qui n'a pas de réponse pour toi. Qui c'est qui va t'informer? Ou alors tu poses la question, ma ahad, il va t'informer, fa hada su'al semina l'arou. Semina l'arou fil kalam. La yadouf. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa antum la ta'lamoun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamoun. Hadi al-qa'ida li muhim. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a cité des règles fil asma. منها الأولى عندما لا ça c'est à la fin on a vu الأسماء les noms on prend l'ordre du livre la première قاعدة في الأسماء أسماء الله كلها حسنى ça c'est la première قاعدة ما معنى هذه القاعدة وما دليلها أحسنت ولله الأسماء الحسنى هذا الدليل على القاعدة سأفجركوا الآن هذا ما معنى هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى ما معنى هذه القاعدة تفضل عبد العزيز أن ما من اسم من أسماء الله يتضمن صفة كاملة يتضمن صفة كاملة فماذا سيبا فيني إذا كانت هذه الصفات كاملة si ces صفات chaque nom il englobe un attribut cet attribut il est parfait automatiquement ça implique que le nom il est من أسماء الحسنى مثال qui c'est qu'un exemple الرحمن اسم الرحمن يتضمن صفة أحسن لنو الرحمن il implique que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la miséricorde هذا c'est ça القاعدة فالشك نو parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il renferme un attribut parfait لماذا العلماء رحمهم الله يذكرون هذه القاعدة لماذا ils veulent تنبه على quelque chose أحسنت أن بعض الجهال ذكروا أسماء لله عز وجل وليست من أسمائه. مثلا الدهر، الدهر صفة من أسماء الله لأنه لا يتضمن صفة كاملة. إيه أنا في لو الكلام ده شو نعطيه في هذا. كذلك دوزيام شوز من الناس من نفى الأسماء والصفات. بعض الضلال إزوني للنو d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette règle, nous, on sait qu'Allah il a des noms. Walillah il asma ul husna. Al-Jahmiya, mathalan, ils disent qu'Allah il a pas de nom. Wal-Iyadu billah. Ils disent, wasma al-dhalal. Ils disent que si tu dis qu'Allah il a. On donne un exemple, mathalan. Tu cites trois noms d'Allah, fa'indahu c'est du shirk. Léana il dit, comment tu dis qu'Allah il est trois? Chauffe à la dhalal. يوصيك نحن هذه الأسماء تدل على مسمى واحد على ذات واحدة الله. Ils ont pensé que dire qu'Allah il a plusieurs noms implique qu'il y a plusieurs divinités. وهذا سان كلام بعيد جدا. هذا سان كلام سجُّ كفر بالله عز وجل. كذلك une dernière chose. بقي شيء. Un dernier groupe. On a dit à un groupe qui prétendent qu'Allah il a certains noms et Allah il les a pas. On a donné, Cheikh Ibn Taymiyyah a donné l'exemple d'un. On a dit, il y a un autre groupe, il ne croit pas au nom d'Allah. On a répondu avec le verset. Il y a un troisième groupe. Là, nous, le murad, c'est le mu'tazila. On vous l'a répété. Anna al-mu'tazila yu'minuna bil asma, lakin bidoun sifa. Hadi al-qaïda s'arrad alayhim. Al-mu'tazili, matalan, yakoul Allah, c'est l'aziz, c'est l'rahman, c'est l'rahim. Yu'min bil asma. لكن يتدي والعياذ بالله أن الله سر الرحمن بلا رحمة لأن pour lui si tu dis qu'Allah il a de la rahma ça fait ressembler aux créatures. هذا كذلك c'est باطل لأن لا رحمة الله n'est pas comme la rahma des créatures. فهذه القواعد والحديث عبارة عن ردود على أهل الأهواء في هذا الباب. Et ça va venir بإذن الله en détail. La deuxième قاعدة عندما deuxième qaïda fil asma. Asma Allah laissa mahsoura bi adadin muayyan. Il manque quelque chose? Ma'loumun lana. Amma li ma'louma inda Allah azza wa jalla. Allah sait combien il a de nous. Amma nahnu manadri. On ne peut pas dénombrer ses noms. Il a 100 noms, il a 102 noms, il a manadri. On connaît certains noms, ils sont plus de 100. Amma le reste, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. On avait vu le hadith, « Aou ista'atharta vihi, aou bihi vi ilm al-ghaib indak. » Quand il y a un qa'il, hadith, il y a un autre hadith, « Anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, « Anna lillahi tis'atan wa tis'in isman man ahsaha dakhal al-jannah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'Allah il a 99 noms. Celui qui les mémorise, il les met en application, il a akhiré, ça il rentre fil jannah. Kayfa al-jam' avec la qa'ida. T'as compris la question? On a dit, nous, la règle, les noms d'Allah, ils ne sont pas limités dans un nombre précis pour nous. On ne sait pas combien. Allah subhanahu wa ta'ala ici. Lakin on a un deuxième hadith. أن الرسول اللي أنفهمك الله إلى 99 نوع فكيف نفعل؟ نعم فسي 99 نوع لبروفيت فانسان ميليزا سيتي pour celui qui les mémorise les met en application فماذا؟ أحسن ça veut pas dire qu'il a que ces noms. لكن parmi les noms d'Allah celui qui mémorise 99 il les met en application فإلى الجزاء المذكور في الحديث إن شاء الله. شيخ معتمين لدينا مثال pour mieux comprendre هذا. تفضل. نعم. نعم. مثلا تبخباري مثلا 99 ريال pour صدقة أو 100 ريال pour صدقة فماذا؟ Forcez-vous à répondre en arabe. Taïb, ça nous fait des cours de fil haqiqa de ta'bir. Sbiru, on voit les frères, sallallahu alayhi wa sallam, ils font des progrès, il faut continuer à gada. Dès qu'on vous pose des questions, bil arabiya, tant que vous pouvez. Les frères qui ne peuvent pas, ça. Les frères qui ne peuvent pas, ils répondent comme ils peuvent. Celui qui peut, bi'idhnillah, si on continue à kada, inshallah, tu t'amélioreras. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a cité une personne, il a 1000 riyals, mathalan. Il te dit, j'ai 1000 riyals pour faire une sadaqa. Est-ce que ça veut dire qu'il a que 1000 riyals? Là, lakin, ces 1000 riyals, il les a réservés pour sadaqa. Peut-être qu'il a 10 000 riyals chez lui, c'est pour autre chose. Hakada al-hadith. Anna al-jaza, al-jannah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé celui qui connaît 99 noms, aïe, parmi les noms d'Allah. Enfin, il a cette récompense. Ça ne veut pas dire qu'Allah, il a que 99 noms. Abadan. Maddali, il a plus de 99 noms. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de 99 noms. Il n'y a pas de nombre. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des noms, il ne nous a pas informés. Hakada. Famad dalil, il a plus de 99 noms. Ahsan, fil Qur'an wa sunna bil istiqra, al ulama, ils ont, dans plusieurs livres, ils ont jumé les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'lamoun. Ils ont, Cheikhouna Yahya Havidahullah, fil Mabad al Mufida, il en a cité 109. Et il y en a plus. Il y en a plus, fahada, ça montre. Anna les noms d'Allah, il y en a plus de 100, plus de 99. Lakin le hadith, Annahu ista'atharta, ou ista'atharta bi fi ilm al-ghayb indak, ça montre que tu ne connais pas le nombre. Tu ne connais pas le nombre. Alors, si on pose la question, il y en a combien? Il y en a combien? Mais Nadri, on sait qu'il y en a plus de 99. Lakin combien? 120, 130, 150, 200? Mais Nadri, Allahu alam bihada. Ça, c'est min ilm al-ghayb. Donc, la deuxième qaïda, anna les noms d'Allah, ils ne sont pas limités dans un nombre précis pour nous, à notre connaissance, nous. La troisième qaïda, fil asma. Asma'ullah, la tutbit bil aql. Zed. Ahsant, innama tutbit bil shar. ما معنى هذه القاعدة؟ تفضل. أسماء الله ثبت باسم الله. أحسنت أن هذا الموضوع الأسماء والصفات كذلك وما بغلا من قاعدة في الصفات أنها توقيفية. Tout ce qui est venu في القرآن أو في السنة الصحيحة. Un dalil qui nous montre un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on y croit. Et on dit que c'est un nom d'Allah. Al-Rahman, Al-Aziz, Al-Hakim. Tout ça, on a des adillah min al-kitab wa min al-sunnah. Amma, si on n'a pas d'adillah, falla yajouz ithbat hada al-ism. Si t'as un dalil, tu dis, anna, ce nom il fait partie des noms d'Allah. Si t'as pas de dalil, tu dis, on n'a pas de dalil que ce nom il fait partie des noms d'Allah. Wallahu a'lam. Al-Qa'id al-Rabi'a. زيد ما quelque chose. اولا انت tu divises les asma en deux. C'est quoi les deux qismes de asma? Là. Ça c'est sifat, on a fait asma. Là. Mais Anna, dans un cas, tu devras croire en trois choses. Dans le deuxième cas, tu te mets combien de choses? Ça c'est quoi la différence? Les mains dans le premier, tu as cité une troisième chose et pas le deuxième. Ahsan, fa hunak asma. متعديه ايدي اسماء غير متعديه فان كان الاسم متعديا تؤمن بثلاثه امور سي طانو parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est متعدي ça va impliquer que tu crois en trois choses. Ça veut dire quoi متعدي? احسنت اي الاثر يتعدى الأثر يتعدى إلى المخلوقين مثل ماذا؟ مثل صفة الخالق الله سي لأنه خالق لثابت لله أي لثابت لله بلا شك وبلا ريب فتؤمن أن الله سي الخالق كونتخيرمون جهمية تؤمن أن الله سبحانه وتعالى إلى صفة الخلق كونتخيرمون ومعتزلة يكروف بون صفة تؤمن بالأثر أو تؤمن بالأثر أي كالله سبحانه وتعالى إكخس كلمه عز وجل. فهذه أمور ثلاث لابد منها. كسيك عن إكزام في غير المتعدي الحي اسم غير متعدي، فتؤمن بماذا؟ بالاسم أن الله الحي الحياة الله اللي فيفو عز وجل ما في أطر على المخلوق، الله سبحانه وتعالى اللي فيفو. أحسنتم، هذه استقاعدة للمهمة في الرد على أهل الباطل. نقرأ عليكم كلام شيخ ابن عثيمين في سكولاستي النفي والإثبات، مهم. دوما بإذن الله ونكونتينيغا الصفات. قال الشيخ أو سئل الشيخ ابن عثيمين في كتابه النافع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ساسا كتاب مهم. الشيخ ابن عثيمين إلى خيامات في العقيدة يغصب للمعة إلى مهم، إلى في الإكسبليكاسيون إلى في الشرح لويمم الأصل سي دي زوديو إلى زون ركوبيه. Ils les ont rassemblés dans un livre. Et c'est ce livre qu'on a, ils lui ont posé cette question. Hal as-sawab an yuqal inna Allah ta'ala sami'un bila udhun. Vous avez compris la question? Allah il est sami'. Est-ce qu'on peut dire Allah il entend avec des oreilles? Et est-ce que ça implique que Allah s'il entend, il a des oreilles? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. La Voilà la question, est-ce que ça implique, la question était précise, Allah il entend, est-ce que ça implique qu'il a des oreilles? Là, ça implique pas ça. Lakin qal la yajuz nafi al-udhun 'an Allah. C'est ça nous comprenons. T'as pas le droit de dire Allah il a pas d'oreilles. Si tu dis Allah il a pas d'oreilles, t'as fait un nafi bila dalil. Qui c'est qui t'a informé qu'il a pas d'oreilles? Est-ce que t'as vu là? Est-ce qu'on t'a informé là? Est-ce que tu peux dire Allah il a des oreilles? Tu peux pas dire qu'il a, tu peux pas dire qu'il a pas. Ça fait hadal hal, tu dis Allahu a'lam. Allah il nous a pas formé de hal. C'est ça la règle an-nafi wal ithbat. Faut faire attention. Attention et ne comprends pas at-tamthil. Quand مثلا واحد dit des oreilles, tu comprends automatiquement les oreilles de makhluq. Là, Allah, c'est comme les mains. Allah il a des mains, il ressemble pas aux mains des créatures. Il peut très bien avoir des oreilles qui sont différentes des oreilles des créatures. Fa hadi sifa, on n'a pas de dalil, on dit Allahu a'lam. Qal shir min taymin l'ihtimal an yakun lahu udhun. Sur le Tamim, il dit c'est possible qu'Allah il a des oreilles, il ne nous a pas informé. Enfin, nous, on ne fait pas d'ithbat, on n'a pas de dalil. On ne fait pas de nafi, on ne fait pas de dalil. C'est ça la règle. Un nafi ou un ithbat. Tout il y a un qaïd mohim, on a. Tout ma qaïd sur le Tamim. Tout ma n'am, le kamel le tawil, je vous l'achasse. أنه لا يجوز أثبت النقص لله أبدا. النقص فيه مطلقا ما يستقل الدليل لنسى النقص تان دليل عام. فمثلا واحد يدي اسك الله سبحانه وتعالى مثلا إلى une faiblesse dans كذا on dit là tu dis pas توقف je regarde si un دليل لا لأن النقص il est منفي عن الله مطلقا. فتو les défauts les imperfections تنفيها عن الله. أما l'oreille الآن c'est pas une imperfection les oreilles c'est pas une imperfection ما نعلم. ففي هذا الحال تتوقف. ففد بيان لا ديفيرونس سي ان نقص. مثلا واحد ينودي اسك الله لا فان والعياذ بالله اون دي لا اي دي سي كوا تون دليل اون دي الله لا با صفات نقص ولله المثل الاعلى. اما لا فان سي دو نقص وهكذا. فصفه النقص والعيوب تنفيها مطلقا لو غيست لابد من دليل. القاعده الاولى في الصفات ما هي؟ كمال ومدح. أحسنت. فصفات الله عز وجل كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الدليل على هذه القاعدة ولله المثل الأعلى. فعلى هذه القاعدة الصفات من حيث الكمال وعدم الكمال تنقسم إلى ثلاث. Si tu as compris cette qaïda, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont parfaits, tu vas comprendre les sifat, les attributs, il y a trois catégories min hayt al-kamal. Si c'est parfait, on l'attribue à Allah. Si c'est pas parfait, on ne l'attribue pas à Allah azza wa jal. Fama hiya hadhihi al-aqsam al-thalath. Al-sifat al-kamila. Mithl madha? عندما أنا الثاني الصفات الناقصة مثل ماذا؟ مثل الموت والجهل والعجز. فهذه ما موقفنا منها؟ هل نثبتها لله؟ لا نثبتها لأنها صفة نقص. الثالث عند من؟ القسم الثالث الصفات كاملة، كاملة من وجه وناقصة من وجه، مثل ماذا؟ والمكر. أحسنت. فما موقفنا من هذه الصفات؟ هل نثبتها لله؟ لا تقول نعم مطلقا ولا تقول مطلقا، وتقول الله هو ماكر لمن يستمر. أحسنت. فتثبت هذه الصفات في ماذا؟ في المقابلة. Essayez d'employer اصطلاحات العلماء حتى تكتولي أو نفاس أنت تسيب بقوان دي المقابلة. Essayez d'employer اصطلاحات أهل العلم، c'est مهم. هذا المقابلة أي لمن يستحق. ما الدليل من القرآن؟ أحسنت. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يكيد بمن يكيد. إنهم يكيدون كيدا، فالله سبحانه وتعالى قال وأكيد كيدا. مثال ثاني، مثال ثاني من القرآن، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أثبت الله سبحانه وتعالى له صفة المكر في مقابلة مكر الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الحمد لله مفهومة. القاعدة الثانية في الصفات، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية. ما معنى الصفات الثبوتية؟ من؟ الله عز وجل. أحسنت. مثل ماذا؟ على example؟ أقول الكلام، العزة، القدرة، الرحمة، الوجه، اليدين، هذه أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال شيخنا تيمية السلبية أو المنفية ما هي؟ هي التي نفاها عن نفسه عز وجل، مثل ماذا؟ الجهل والظلم. أحسنت. والشيخ ابن تيمية لا دوني بخصيصية مهمة في الصفات المنفية، ما هي؟ تعقيدة أن الله سبحانه وتعالى غير متصف بالظلم وبالعجز وبالجهل، لكن معتقد أهل السنة ينبخسيون هنا، ما هي؟ أحسنت. أن عند النفي، عند النفي نفي صفة ناقصة، مثلا ننفي الظلم automatiquement s'implique أن نثبت ضد هذا النقص. الله سبحانه وتعالى ودي غير متصف بالجهل، الجهل سليجيغون automatiquement ça montre qu'Allah il a du علم وهو السميع العليم. هكذا العجز إلى القدرة، هكذا toutes les صفات ناقصة تثبت الضد. هذا مهم، هذا مهم في النفي، أن لا فرسان يعتقد إثبات ضد هذا النقص. القاعدة بعد ذلك ما هي؟ إلى ستر القاعدة بعد هذه، أحسن. الصفات الثبوتية، الآن on a partagé les صفات en deux، ثبوتية ومنفية. المنفية c'est simple، c'est simple، أي c'est ce que Allah سبحانه وتعالى il ne s'est pas attribué. La justice, l'ignorance, tout ça on l'attribue pas Allah. Et on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala le contraire. Al-Kamal. Al-Ilm, Al-Qudra, ila akhri. Baqiya al-Thubutiya se divise en deux. Dhatiya wa fi'liya. Ma ma'na al-Sifat al-Dhatiya. La yazal wa lam yazal. أو لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما معنى هذا؟ صاحب جخوة هذا لم يزل ولا يزال متصفا بها. اسمع Là, ça, tu restes sur le sam'a al-basar. C'est des exemples. Il y a beaucoup d'autres sifat. Ça, les exemples. Explique-nous la yazal. Anta, tu répètes la yazal. C'est ça qu'on veut comprendre. Ça veut dire quoi la yazal? Daïman. Là. Allah il les a toujours eu. Il n'y a pas un moment où Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas eu cette sifa. Hada ma'na qawlihi lam yazal wa la yazal. Aïe, hadi sifat ghayr munfakka anhu azza wa jal. Kassam'u al basar dhakara shaykh ibn al-Taymiyyah kadhalik al wajh wal yadayn. Enfin, tout ça, c'est des sifats dhatiyya. Lam yazal, wa la yazal, muttasifan biha. Min qabl wa min ba'd. Al-fi'liya, mitl maada. Ou al-ta'rif, awalan. Hiya, allati tata'allak bimashiyatillah. Ma ma'na hada? Ça veut dire quoi, hada? Anna hadhi sifat muta'allika bimashiyya. Bima'na? هذا هذه متعلقه بالفعل si Allah il veut il fait cette action ce fait s'il veut il le délaisse azza wa jalla مثل ماذا un exemple Ali al kalam كذلك un autre exemple al ghadab zid واحد al dhahik al nuzul العلو سن صفة ذاتية أو فعلية ذاتية في السماء كذلك الله متصف أنه يغضب صفة فعل فمتى تكون ذاتية فعلية On n'est pas fait nos zones, on est fait le ulu. Zatiya, c'est bon. An Allah lam yazal, wa la yazal, aliyan ala khalqih. Sifat de l'istiwa. Deuxième exemple. Sifat de l'istiwa. Sifat zatiya ou fi'aliyya? Fi'aliyya, limada? Mad dalil. Si tu cites le dalil, ils vont comprendre. الرحمن على العرش استوى هذه أحسن ثم استوى على العرش ça montre que l'istiwa c'est un fi'l la différence entre l'ulu et l'istiwa c'est هذا أن العلو c'est une sifa ذاتية الله il a toujours eu الاستوى الله سبحانه وتعالى il a accompli ce fi'l يعني après avoir créé les cieux et la terre هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فالسفعل إلى اتفاق أبقى خلق السماوات والأرض سابوت كثير فعلية فعلية شغلنا دائما قال التي تتعلق بمشيئته فالله سبحانه وتعالى إلى في السفعل أبقى أبقى الإسفلاتير أما العلو Il a toujours été un. Avant, après la création des cieux et de la terre, daïman abadan. Lam yazal wa la yazal muttasifan bil'ulu. Il y a des sifat al-an sabi'tibarain. Comme a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, ça peut être une sifa dhatiya et une sifa fi'liya. Qu'est-ce qui explique ça? أحسن في اعتبار ذاتية أنه لم يزل ولا يزل متصفا بصفة الكلام إلا توجور إست صفة يا بام ماما والله لا في بس صفة لا فعلية باعتبار أحسنت فعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء quand tu veux il applique ce fait أما لا صفة المم إلا توجور عز وجل سبحانه وتعالى هذا Et ça, c'est pas khas pour le kalam. Lakin al-ulama, ils citent souvent l'exemple du kalam, raddan ala al-asha'ira. L'annahum, ils ont un dhalal mubin fi hada. Et incha'Allah, ça viendra qalil qalil. Ala kulli hal, on a compris hada al-bab al-muhim. En sifat, on qasim ila qismain, dhatiya wa fi'aliyya. Et ça, on vous a déjà dit, on s'en servira pour radd ala al-asha'ira. La dernière qa'ida, c'est les questions. بعد ذلك قاعدة عبارة عن أسئلة. شو من تميل أستدي السؤال ردا على أهل البدع والباطل في هذا الباب. La première question قال هل هي حقيقية ولماذا؟ Est-ce que ces صفات les صفات الله سبحانه وتعالى c'est des صفات حقيقية؟ Et pourquoi؟ تفضل qui c'est qui répond؟ لماذا؟ أحسن حقيقية. Une main c'est une vraie main. C'est ça le sual. Est-ce que les attributs d'Allah c'est des vrais attributs? Hey, tu comprends le معنى حقيقة؟ الجواب نعم. لأن الله سبحانه وتعالى il a cité, il a informé qu'il a des mains, il a un visage, il descend, il est au-dessus de son trône. Tout ça nous mène vers la حقيقة. لأن نحن on comprend le Coran et le Sunna avec la langue arabe. فلا يجوز لواحد il déforme ça. Ou il prétend expliquer Bila Dalil. Là, il y a juste là. Celui qui explique ce Dalil, maintenant, ce Fatal Yadayn, Bila Dalil, Bila Hujja, هذا يتكلم على الله بلا علم. Comme on avait détaillé في القاعدة. هذا الجواب سنرد على من؟ لا بس المعطلة. ينفون الصفات. كذلك؟ الأشاعرة ماذا يفعلون؟ يحرفون الكلم عن مواضعه يدفعهم الأشعري يتدي صحيح الله سبحانه وتعالى إلى أنفهمك إلى صفة اليد لا تخبو دولا ما الله إلا الأشعري يتدي هكذا لكن يبخسيز هو يدي ولكن لما سبمعنى لفقص ستولي دمون بوركوا Il te dit, si tu dis qu'Allah est une main, tu es en train de faire ressembler aux créatures. On lui répond par deux choses. Fadalou. Première chose. Khilaf zahir al-nusus. Al-nusus, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit main, il n'a pas dit force. Kadhalik. Khilaf tariqat al-salaf. Qui c'est qui t'a précédé via hadha al-kalam? الآن كي سي كي تا دوفونسي في هذا سي من علم الغيب كي سي كي تا انفورمي كذلك ما هناك دليل صحيح سي تو لو دوموند ان برهان من الكتاب ومن السنه tu verras il a que la raison et les passions كذلك تبقى على ظاهرها comme on a cité et vous allez voir que dans le kitab Cheikh Ibn Taymiyyah il va rajouter des autres d'autres مثلا صفات اليدين الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطة إذا تأملت الآية الله سبحانه وتعالى إلا سيتي لما أي دوما بل يداه إلا بدي بل يداه يداه avec un ألف avec son œuvre tu peux رد على الأشعري كيف هذا الأشعري il explique لما par la force أو par القدرة ils ont des حتى هم ils sont pas d'accord ça ça montre أن القول ليس صحيح لأن واحد يبقى يقول لك فورس لوتر يبقى يقول لك كاباسيتي لوتر يبقى يقول كذا لكن افيك ستو آية نحن برد عليهم القوة دليل على التحديد إذا فسروها باليدين أحسنت وهذا سباطل بالإجماع لأن Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les mains au nombre de deux, ça montre que le murad, c'est pas le quwa. Il y en a le quwa, il n'y en a pas deux. Ou il fait sur le ni'ma. Le ni'ma, il n'y en a pas deux. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Le quwa, Allah c'est le qawi, le quwa al-mutlaqa. Le qudra, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Amma le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les mains par deux, ça montre que tout ce qu'ils ont interprété c'est bâton. Les anna, il faut bien comprendre vous, comme on va voir, anna la main au singulier, naam, la main au singulier, tu peux l'expliquer par un kouwa, par un kudra. Et c'est par là que le ash'ari s'est garé. Lakin, quand c'est en dualité, al-yadan, tu peux plus faire ce ta'wil. Ça montre que c'est des vraies mains. Kadhalik, وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالبطش ووصف كذلك من صفاته beaucoup de choses qui montrent que c'est une vraie main يقبض القبض c'est le fait de tenir une chose ليس كمثله شيء عز وجل لكن هي لا صفة القبض ça montre que c'est une vraie main. حقيقية كما قال شيخ ابن عثيمين. لكن on avait dit أن أصل الضلال في هذا الباب tous ceux qui se sont égarés via هذا الباب ils ont tous un point commun. C'est quoi? أحسن. Dès qu'il entend parler d'une sifa, il la fait ressembler à la créature. Et après, il peut s'égarer. Al-Mufawwid, il s'est égaré, il a dit, tu parles pas du sens. Une main, on sait pas c'est quoi. Al-Mufawwid, tu lui dis une main. Alors les deux mains d'Allah, son visage et sifat al-Nuzul, pour lui, il n'y a aucune différence. Il te dit, je sais pas, ça veut dire quoi. Al-Ash'ari, il a fait ressembler Allah à sa créature, automatiquement ça impliquait, il a pensé qu'il fallait déformer. Il a dit les mains, il a dit là, la créature, ils ont des mains. Donc ça veut dire Al-Qudra. Et le meskin, il ne sait pas que la créature, elle a une Qudra kadhali. Nous, s'il nous dit les mains, je ne dis pas Allah, il a des mains, parce que ça ressemble à la créature. Donc ça veut dire la force. On lui dit la force kadhali, que l'être humain, il a de la force. Ça prouve bien que la Qudra de la créature, ce n'est pas comme la Qudra d'Allah. Al-Ash'ari, il est d'accord avec toi. Fafimada fil yadayni khalif. Al-yadayni kadhali. T'as des mains, Allah, il a des mains, ce n'est pas les mêmes. Ben, on peut aller plus loin, on peut dire au Ash'ari, est-ce qu'Allah il est muttasif bil haya? Est-ce qu'Allah il a l'attribut de la vie? Al-Ash'ari ils disent tous l'âme. Ils attribuent sifat al-hayat lillah azza wa jalla. On lui dit que dans les cantats t'es vivant là. Est-ce que ta vie elle ressemble à la vie d'Allah? Il va dire là. On lui dit les mains c'est exactement la même chose. Anta ta vie elle était précédée par l'adam. Allah il t'a créé, t'étais rien. Tumma tu vas mourir. Tu tombes malade. Allah subhanahu wa ta'ala al-muhyi al-mumit al-hayy al-qayyum. Tout ça parce que quand ils entendent une sifa, ils font ressembler à la créature. Ça viendra là. Nous avons un peu de temps, mais tout ça on y verra en détail. Bi-idhnillah. La deuxième question, قال, هل يجوز تكييفها ولماذا? هل يجوز تكييفها ولماذا? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut montrer le comment? Dire maintenant la main d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est comme ça, comme ça. هل يجوز هذا ولماذا? لماذا? Allah ne va pas donner le comment? Ahsan, si tu informes sur le comment, qu'est-ce que tu fais? Si Allah ne nous a pas informé de ce comment, le fait de le décrire, c'est quoi? Là, pas forcément. Naam, limada. Ahsan, yatakallam ala Allah bila ilm. C'est ça, al-ma'siyah. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. هذا الآن il est en train de décrire une chose que personne connaît à part Allah. Voilà où il décrit nuit et jour, il fait des efforts, il n'arrivera à rien. هذا Cheikh l'Islam de Taïmiya il nous a cité une faïda fi takif. Mahi, vous vous rappelez de la faïda de Cheikh l'Islam? Tatal Naam alladhi yurid an yukayyib ou ya'lam kayfiyat al-shay labud min ihda thalat. Soit il a vu cette chose, et celui qui veut décrire une chose, imma il a vu cette chose, faddal. Imma ra'a mitla, imma ukhbira an. Maintenant, Anta, tu peux décrire une voiture que tu n'as jamais vue. Lakin, tu as vu une voiture qui ressemble, ou la même. Deux marques de voitures, les mêmes, identiques, les mêmes couleurs, la même année. Tu n'as pas vu la deuxième, tu as vu la première. On te dit, il y a une voiture dans tel pays, c'est la même que celle-là. Tu peux la décrire, tu as vu le semblant. Ah ouais, il t'informe. Il te dit, elle est de telle couleur, elle est à ce poids, elle a cette taille. Enfin, tu pourras informer. Amma fi haqqillah subhanahu wa ta'ala, personne ne nous a informé de l'kayfiyya. Ni le Coran, ni le prophète. On n'a pas vu Allah. Et on a Allah, il n'a pas de semblable. Laysa ka mithli shay. Ça montre anna la tatakallam fi l'kayfiyya. Ça, c'est haram. C'est une bid'a. C'est une bid'a, comme a dit l'imam Malik, rahimahullah. السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ avant ça est-ce que les صفات elles ont une kayfiyya? Ils vont pas être d'accord le jamaa avec toi. نعم لكن لا نعلمها. Faut pas confondre. Là c'est que les mains d'Allah مثلاً elles ont un comment. لكن nous on le connaît pas. Nous, on ne le connaît pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait comment elles sont ses mains. Enfin, il faut bien différencier. Hein. Allah, ce sifat, elles ont une kayfiyya, lakin, la na'lamuha, nahnu. Tout ce qu'on a dit, c'est بالنسبة لنا. لأن on a un manque de علم. أما لا شك que les attributs d'Allah, ils ont un comment. الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ Est-ce que les صفات d'Allah ressemblent aux صفات des مخلوقين ولماذا؟ Aux صفات de qui? Elles ressemblent pas aux صفات de des مخلوقين. الفرق بين التمثيل والتكييف. C'est quoi la différence entre التكييف والتمثيل عندك؟ التمثيل سيدكر كيفية مقيدة بمماثل كما قال شيخ ابن تيمية. Si tu as fait du tamthil, forcément tu as donné un comment. Lakin le tamthil, ce comment, il va ressembler à la créature. Amma al kayfiyya, tu donnes un comment qui ne ressemble pas forcément. هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. فكل ممثل il est quoi? مكيف. وكل مكيف ليس بممثل. هذا الخلاصة. أما الردود فأون لافي بو فيما نرد على المعطلة. الخلاصة de tout ça أن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. C'est ça الخلاصة. الآن t'as une règle, elle est fondée على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ça tourne, vous avez remarqué, souvent autour du tamtil, autour du ta'atil, autour du takif. Anta, si tu as compris ces qawa'id, sache que mu'taqad ahl sunna il est fondé sur ce verset. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Mu'taqad ahl sunna c'est ithbatun bila tamthil. Aïe, t'affirmes, tu crois au nom et aux attributs d'Allah sans le faire ressembler aux créatures. Avec ça, on s'est écarté de, du groupe des mumathila, al-kafara, mushabbiha. تنزيه بلا تعطيل. تنزيه c'est مثلا le fait de dire Allah il ressemble pas à sa créature. Allah il a pas d'imperfection. لكن sans dire qu'Allah il a pas de صفة بلا تعطيل. Contrairement au معطلة. الشاعرة معتزلة جهمية ils ont dit مثلا Allah il ressemble pas aux créatures, il a pas de main. Là, نحن on dit Allah il ressemble pas aux créatures et il a une main. Cette main elle ressemble pas aux créatures. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Demain بإذن الله نبدأ في الكتاب.